rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planet Rap avec Fred. Ce soir, Planet Rap spécial Islem. Passez une bonne soirée et bienvenue pour le Planet Rap consacré à Islem qui fait son entrée à l'instant même dans le studio. Comment ça va, hein? Ça va et toi? En pleine forme? Ouais, tranquille. La journée était bonne? Ouais, ça va. L'album s'appelle toujours Où ça nous mène? Où ça nous mène, toujours. Ça n'a pas changé depuis hier? Non, ça n'a pas changé, c'est toujours là et on verra bien ça nous mène. Ça tombe bien puisque l'album est dans les vagues depuis hier. Exactement. Si vous l'avez récupéré cet album, dites-nous un petit peu vos morceaux préférés. Vous l'envoyez avec le hashtag Islem sur Skyrock, 41759 aussi pour poser vos questions. Islem, notre invité tous les soirs de la semaine. Hier, on a eu un beau live, hein. Deux beaux lives. Avec LECK qui était là, qui était présent avec nous. D'ailleurs, merci encore à lui. Et Dany Santé qui est de retour. Dany sera là toute la semaine. Bah oui, c'est... On sera rassasié à la fin. Ouais. Dany, on aura du Dany tous les jours. Vous en aurez marre. C'est un peu un album en commun, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, c'est presque. C'est une histoire commune. Ouais. Il a fait les trois quarts quasiment des prods de l'album. Mm. Et. Ça fait de la magie, j'ai envie de dire. Ça. Et hier, c'était Dany Piano. Exactement. Il est installé au piano. C'était Daniel Piano, même. Daniel Piano. Et d'ailleurs, ça donnait de ça. On va écouter un petit peu ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Juste une envie de crever l'abcès. Yeah. Parler de cette plaie, oh oui, parler de ces plaies. Yes. Où ça a réglé mes défauts. Encore et encore, mais ça ne reste que des mots. Et de Islam. De Islam, l'almagam est la partie, les nôtres préfèrent le R de Rizla. Ce soir c'est du pareil au même, je suis dans ma matrice, frère. Encore et encore, je donne de la force en étant batterie faible. Et c'est pas fini, j'ai toujours rappé sans force et enfermé dehors. J'entends les sirènes au loin, lorsque bébé dort, maman sèche les larmes en vain. Elle m'attend, elle qui a tant souffert. J'ai pas su combler l'absence qu'a laissé mon père, mais y'a pire. Alors je calcule pas mes erreurs. Je ressens comme de la peur dans le regard de mes frères et sœurs. Ils me fuient. Comment leur dire que j'ai de la peine, que c'est le désert dans ma tête. Help, help. Voilà, avec Daniel Santé, donc avec Daniel Piano, pardon, qui t'accompagnait hier soir pour ce live. C'était magique. La magie. Ça fait toujours plaisir. J'ai toujours dit Daniel au doigt de fée, en fait, tu vois. Bon, c'est un gars, c'est pas une fée, mais non, il a de la magie au bout des doigts. Et bah, on va pouvoir découvrir ça aussi, puisqu'il est présent sur l'album, il a bossé sur les prods, on l'a dit un petit peu hier. On va pouvoir découvrir cet album une fois de plus. Est-ce que tu vas chanter ce soir, Islem? Ce soir, je vais chanter. Il y aura très du bien. Live en fin de soirée. Donc, en fin de soirée, en fin d'émission. J'espère chanter tous les soirs si je ne perds pas ma voix d'ici là. Pourquoi tu la perds de temps en temps? Non, bah, tu sais, quand on chante, hein, ça fait travailler. On se réveille le matin, t'as plus la voix, voilà quoi. Et bah là on va t'écouter en tout cas sur le 10, t'as la voix, ça c'est sûr. Hein. Et notamment sur le morceau Petit Bateau avec lequel on débute. Comme d'hab, c'est parti pour le Planet Rap consacré à Islem. Petit bateau qui a échoué dans mon cœur. Il laisse un sentiment. Voyage sans loi ni peine. Esquive-moi tous ces vieux rafiaux qui n'attendent que ta perte. Petit bateau, tu croiseras des sirènes. Ne te jette pas à l'eau, elles ont du vice, méfie-toi d'elles. Ton étoile et pas pas besoin de carte ni boussole. Vue sur la mer, pied sur terre, rêvant toucher le ciel. Et peu importe ce que le destin te donne, oh, oublie cette rage qui nous inonde. Prenons le large, allons parcourir le monde. Faire des efforts, encore et encore, comme un pirate à la recherche d'un trésor. Trap avec Islem, notre invité, entre 20h et 21h, et ce morceau donc qui s'appelle Petit Bateau. Petit Bateau, c'est un morceau que j'ai écrit en pensant à tout le monde en général. Je me suis dit, il faut que tout le monde se reconnaisse dedans, donc je fais la métaphore du petit bateau et c'est pas assez crème ça. Justement, t'écris comment toi? Ouais, t'essayes de penser à tout le monde, à penser à des morceaux que tu pourrais faire éventuellement en concert. Franchement, c'est au feeling. C'est quand ça vient, j'ai des mélodies qui me viennent, j'écris naturellement, c'est. Ça vient tout seul. T'as aussi les mélodies en tête? Ouais, parfois j'ai que les mélodies. En fait, ça dépend comment on travaille avec Dany. Parfois, il va m'envoyer des prods. Il n'y a pas de mélo, il n'y a pas de texte. Je vais d'abord faire la mélodie sur la prod, ensuite écrire mon texte. Parfois, c'est l'inverse. J'ai ma mélodie, j'ai mon texte, je lui envoie et il fait en fonction de. Je fais ça à ma gueule. Tu fais ta petite cuisine. Et puis tu penses peut-être à des sons aussi pour Islem en particulier, non? Ouais, des fois je pense à des directions artistiques. Je me dis voilà, j'ai écouté tel son des Quinries qui est vraiment chambé. Si on fait un délire comme ça, ça pourrait être cool, quoi. Toi, c'est quoi justement? T'as des références? T'avais des références en bossant sur cet album? Des gens que t'as beaucoup aimé dans la musique ou que t'aimes toujours beaucoup? Ça m'est arrivé dans l'album d'écrire. Vu que j'avais pas de prod, j'écrivais sur des morceaux que j'écoutais déjà de base, tu vois. Par exemple, Accélère, je l'ai écrit sur. J'écoutais Lil Wayne, je l'ai écrit sur un son à Lil Wayne. Après, je dis tac. Ah, plutôt rap US, quoi, donc. Non, je suis tout rap. Risque et péril, il est pas dans l'album, mais je l'ai écrit sur du dossier aussi, c'est français. Mmh. Non, ça m'arrive d'écrire sur les trucs que j'écoute. Ensuite, j'envoie à Dany, je lui dis tiens, je l'ai écrit sur ça, garde la même direction. Dany, avec nous aussi entre 20 et 21. Et puis Scred qui est là aussi, Scred qui vient d'arriver. Yes, tu vas bien? Ouais, et toi? Bonjour, Scred, ça va? Ça va. Scred, toujours accompagné d'un ordi en fait. Toujours. Ouais, on sait jamais, tu sais. Il jamais. C'est un truc. J'ai les instrus, tout ça, tu vois. En particulier, ouais, il y a un truc qui te. T'as envie de composer quelque chose dans ce. Non, c'est pour, tu vois, les freestyles, tout ça, j'amène les sons. On est équipé. La grosse équipe. C'était une belle rencontre aussi avec Scred, pareil. Scred, qu'est-ce que j'étais stressée quand il est venu la première fois. T'as Nabil, le premier mercredi, me dit je vais ramener mon équipe et tout la semaine prochaine, moi, sur le coup. Sur le coup, je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est faux, tu vois, il dit ça pour me faire plaisir. Non, je vois mercredi un blond aux yeux bleus, il s'amène avec sa petite dégaine. Ouais, il se l'aime, on va écouter, vas-y, chante. Et puis voilà. Ça, c'était au tout début, ouais, donc avec Nesville, quoi. Ouais. Ouais. Nesville qui fait la connexion entre vous deux, ouais. Exactement. C'est ça. Parce que moi, je bossais beaucoup avec Ness et il m'a dit, ouais, il y a une petite dans ma cité, elle chante vraiment mortelle et tout, faut que tu vois ça, j'ai envie de la produire, tout ça, viens, on fait ça. Mais je suppose que toi, tu reçois beaucoup, justement, de maquettes ou de gens qui chantent. Ouais, j'en ai reçu qu'est-ce pas mal. Qu'est-ce qui a fait la différence avec Islem? Ben, l'écriture, mais tu vois, elle avait 14 ans, donc ouais. T'imagines l'écriture, la voix, tout, le feeling aussi, tu vois. En fait, il y a des filles qui savent chanter, mais elles savent pas écrire. Elles savent chanter que des chansons qui ont déjà été chantées, mais quand tu leur demandes de chanter une composition originale, elles y arrivent pas, parce qu'elles ont pas de feeling. Elles savent reproduire un feeling de quelqu'un, mais elles en ont pas. Islem, et toi, t'avais déjà ça à 14 piges? Ouais, bah oui, t'as bien vu quand elle est passée. Ouais, c'est vrai. Même avant. Ouais, en plus Dany confirme avant. Même avant, ça faisait déjà 2 ans qu'on bossait. C'était à 12 ans la première fois qu'on a bossé ensemble. On avait fait une chanson pour sa mère. Ouais. Et franchement, elle m'avait bluffé quand on avait fait le son en 15 minutes, je crois, un truc comme ça. Et tout, on l'avait changé le soir même et tout. Et puis moi, tu vois, j'arrive, je vois, elle est avec Dani, elle est au piano, les deux déchirent. Bon, bah. Ils sont jeunes. Voilà, tu te dis, il y a quelque chose à faire. Donc moi, après, j'ai voulu chaperonner le truc, les emmener le plus loin possible. Essayer de leur apprendre un peu tout le métier, comment, voilà, comment faire les responsabiliser dans le truc, quoi. Et tu vois, c'est ce que je disais hier, c'est Islem, elle sort son premier album maintenant. Elle a à peine 20 ans, Dani a son label aussi maintenant, donc je suis content, tu vois, j'ai réussi à structurer, ouais. À les amener là-dedans. Mmh. Moi, mon but, c'est de les lancer dans le truc et qu'ils aillent le plus loin possible. Moussa Noumen, bon, déjà, on sait déjà. Ça. Après. J'espère une grande carrière pour Dani et moi, quoi. Eh ben, on croise les doigts, c'est bien parti. Les messages, je voulais balancer aussi avec le hashtag Islem sur Skyrock. Tiens, je vais te proposer la chanson qui a été beaucoup demandée aujourd'hui. D'accord. Morceau qui a été beaucoup demandé, puisqu'on chaque soir on demande quels sont vos morceaux préférés. Et puis là, en plus, l'album est sorti, donc c'est assez simple. Sur les réseaux sociaux et les pages de Skyrock. Aujourd'hui, c'est un morceau qui s'appelle Oublie-moi. Je vais le faire en live à la fin. Tu veux pas qu'on l'écoute avant? Du coup, on peut mettre celles et ceux. Ah bah, on met celles on et ceux. On met celles et ceux, et Oublie-moi, on le fait en live à la fin. Et bah, mettons celles et ceux, et on fera Oublie-moi. Donc, alors, double récompense pour ceux qui ont voté pour ce morceau. Exactement. Non seulement ils l'aiment bien, et ils l'auront en live tout à l'heure. Et là, c'est celles et ceux. Un mot sur celles et ceux. Un mot sur comment celles il est né celui-ci. C'est Dani m'a envoyé une prod à des boîtes. Franchement, c'est le truc de l'été et tout. J'ai fait ma mélo et j'ai pensé à nous. Enfin, je pense souvent à nous en vrai quand j'écris, mais dans le sens où voilà, on vit, on est au milieu de beaucoup de personnes et on vit entre celles et ceux, quoi. Alors je vais juste. Elle est un peu fatiguée, la prod à la base. En fait, c'est une prod qu'on a fait avec Scred qui vient de Scred. La toute base vient de Scred et après on a fait la prod ensemble. Et on l'a fait suivre tellement Scred qu'elle a oublié. Non, voilà. Non, mais. Tu l'avais carrément zappé, quoi. Non, je l'ai pas zappé. Ils ont collaboré les deux sur la prod, mais je l'ai pas ensemble. Ouais, c'est. J'ai une mémoire de poisson rouge de toute manière, du coup ça va être compliqué. Bon, l'important c'est que ça t'a plu. Ouais, ça déboîte. Tu t'es senti bien dessus. Grave. Pour chanter celles et ceux. Je me suis senti très bien. Allez, où ça nous mène, c'est extrait de l'album d'Islem maintenant. Je me sens libre sans songer au pire. celles et ceux, extrait de l'album Où ça nous mène. Exactement. Voilà. Dis pas de conneries pour une fois. Extrait de cet album qui est dans les bacs depuis hier, qu'on peut télécharger aussi légalement. N'hésitez pas et à nous dire aussi ce que vous pensez des morceaux, vos morceaux préférés sur cet album d'Islem. 41759. Petite préférence Non, je vais pas te demander à toi parce que tu vas me dire tous. Ouais, moi. Dany. C'est une question difficile. Je sais. Ah, je sais pas, hein, tu choisis les. Moi, quand on pose la question, souvent je change de chanson, du coup. Ouais. Non, mais toi, ça a rien de te poser la question parce que forcément, t'aimes tous les morceaux. Ouais, si ouais, tu ouais. les as chantés, interprétés, écrits pour la plupart. Non, mais c'est vrai, par contre, qu'il y a, tu sais, selon les périodes, quand tu réécoutes les titres plusieurs fois, comme il y a pas mal de titres qu'on a fait déjà il y a longtemps, donc chaque fois, il y a le préféré, il change, quoi. Du coup, c'est. Bon, alors attends, autre genre de question, laquelle vous saoule? Laquelle t'en peux plus? Quel est ton podium rappeur? À toi, c'est quoi ton top 3, c'est quoi ton top 5? Non, moi je dirais celle que j'écoute moins, pas celle qui me saoule. Ouais. On verra avec le temps parce que ça fait longtemps qu'elle ça va. C'est vrai que c'était la première sortie de cet album. Mais en même temps, elle est tellement magique que je peux pas dire qu'elle me saoule, tu vois. C'est un joli petit morceau qui glisse bien celui-ci. Ouais. Ça va être pareil. Qui me saoule. Non, mais ouais, de moi je me saoule, moi-même. Non, j'ai une préférence, j'aime bien celle avec Ness. Besoin d'elle, peut-être parce qu'elle est fraîche, tu vois, mais on l'a fait il y a pas longtemps, mais on peut l'émotion dedans que je kiffe. On peut dire aussi un mot sur les featuring, il n'y en a pas énormément, il y en a trois, il y a Orelsan. Orelsan, Hawaii Mani et Nesbill. Et Nesbill, ouais. Et trois connexions complètement différentes. Hawaii Mani sur un morceau typiquement féminin, une histoire d'amour et tout. Elle joue le rôle de la grande sœur. Orelsan sur Accélère, une prod plus pop rock à la Quinry. Et Nesbill sur un piano voix. Et un piano voix, ouais, le morceau qu'on a fait en live hier. Que vous avez fait en live hier, sans Nesbill, qu'on salue d'ailleurs. Ouais, gros, énorme big up à Nesbill parce que franchement, je pense que sans son petit coup de. Bah, il est à l'origine de tout ça. On l'aurait pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas rencontré Fred. Un sacré coup de pouce. Et puis c'est vrai qu'en même temps, tu bénéficies même auprès de plein de gens issus du rap d'un sacré soutien. Mais hier, on le voyait avec LECK, il y a plein de gens qui te soutiennent. Je voyais un petit tweet passer aujourd'hui de Black M. Ouais, franchement, ça, c'est que des belles surprises. Je pense que j'ai beaucoup de chance de vivre ce que je vis. Est-ce que pourquoi pas, regarde, ça va être une semaine de rêve. Est-ce que juste si tu disais allô, peut-être qu'on pourrait parler à Black M. Allô? Allô? Allô? Wesh, ma sauce! Wesh, Black, ça va ou quoi? Bien, et toi? Tranquille, ça va. Dommage que tu sois pas là. Ça va, Black M? Je suis vraiment désolé. J'aurais pu être là aussi, moi aussi, mais j'ai pas pu. Mais gros soutien à Islem. Merci beaucoup. Ben, on a vu les tweets passer aujourd'hui. On a vu le tweet passer. On a acheté l'album. C'est gentil. C'est gentil de ta part. Simplement. Ça va, tout se passe bien, Black M? Pour toi, ça se passe bien aussi, l'album Les yeux plus gros que le monde? Ouais, ça va, ça se passe. Nickel, ça le fait. Mais là on parle d'Islem, là. On s'en fout des yeux plus gros que le monde. On s'en fout des yeux plus gros que le monde. Ça va ou quoi? Un petit mot sur Black M. Black M, je le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps à travers la section d'assaut, bien avant qu'ils aient leur essor. Du coup, très très belle plume, très le mec, il a du charisme, il a la plume, il rappe. Franchement, je souhaite une très très grande carrière. Merci beaucoup, Islam. Mais tu veux que je donne mon petit mot sur toi, Islam? On l'attendait. Écoute, tu sais, la première fois, je me rappelle, nous, la première fois qu'on a entendu Islam, c'est qu'on a vu sa vidéo là sur justement à Skyrock. Je crois que t'avais 14 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Toute petite, elle s'est mise à freestyler. Je crois que c'est Nesbill, il lui a donné le micro. On était tous choqués, on était posés chez Adama, je me rappelle. On était tous choqués. Choqués de. Ouais, toi, tu te souviens de ce moment et de cette vidéo en fait? Ah, mais bien sûr, je m'en souviens carrément. Non, mais comme c'est quoi vrai. C'est vrai que toute la scène, j'ai remarqué, ils se souviennent tous de cette vidéo-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de la scène rap qui se souviennent de t'avoir vu à 14 piges ici au micro de Skyrock, justement faire freestyle avec Nesbill. C'est étonnant. Belle vie mortelle, c'était franchement belle vidéo et depuis elle devient de plus en plus forte. Merci Black M, c'est gentil. D'ailleurs, gros big up à toi et à toute l'équipe qui te suit derrière parce que voilà, merci. Je suis aussi. Big up. Et merci d'avoir été avec nous rapidement, Black M. C'est cool, y a pas de souci. Une petite tournée, qu'est-ce qui se passe en ce moment là? Ça bosse? Ouais, ça bosse. Je fais mes séances dédicaces un peu partout dans toutes les villes en France. Ça se passe bien, il y a du monde et cool quoi. Et terrible. Tiens, justement. T'auras bientôt. En attendant, allez tous, c'est chaud, Islam, l'album est sorti. Ah, voilà. Allô, Black M? Ouais. Allez, attends, on t'entendait plus, vas-y, là c'est parfait, ne bouge plus. Tu m'entends là? Là, parfait. Ouais, j'ai dit en attendant, allez tous péter l'album d'Islam, c'est du lourd. Merci. Bah voilà, c'était super efficace. Merci à toi, Black M. Y a pas de souci, à bientôt. Bonne soirée. Ciao. On va mettre un morceau Black M tout de suite, là, juste avant de balancer la pub et de revenir avec Islam. C'est sur la route, sur Skyrock. Oh, sur ma route. Yeah. Sur Skyrock. Oh, sur ma route. Skyrock, sur ma route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Pas de bagages en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Sur ma route, oui. Le Planète Rap à l'instant avec le morceau Sur ma route, celle de Black M qu'on écoutait. Black M, donc petit coucou en direct à l'antenne qui fait plaisir. Ouais, bah merci à lui, merci encore. Et on le salue, Black M, une fois de plus avec son album Les yeux plus gros que le monde. Un autre album à se procurer, c'est celui d'Islam qui est dans les bacs depuis hier. Et j'ai une petite question pour repartir avec cet album dédicacé. Simple, hein. T'as vu, hier c'était simple, hein. Ils ont trouvé ou pas, moi? Bah oui, hier on a trouvé, c'était Nesbill. Je sais pas si j'ai fait la réponse d'ailleurs hier. Non, tu l'as pas faite. Hier on posait une question, donc c'est quel est le rappeur qui t'avait invité ici dans le studio et mis en avant. C'était bien évidemment Nesbill. Évidemment. Et ce soir, quelle est la question? Trop simple. Quels sont les trois featurings de l'album? Facile, les doigts dans le nez, j'ai envie de dire. Ça là, c'est donné. Ouais, les doigts dans le nez. Pour avoir l'album dédicacé d'Islem, vous envoyez un petit message au 41759 avec la bonne réponse ou avec le hashtag Islem sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. On va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on va mettre dans quelques minutes? Dans quelques minutes, on va mettre Ange Gardien. Ange Gardien. Le morceau que Dea ici présent m'a aidé à écrire. Voilà, qui est là, qui est avec nous aussi ce soir dans l'émission. Soutien d'Islam. Avec ce joli accent marseillais. Talent pur. Ça va bien? Ouais, impeccable. J'ai eu du retard. Mais... je suis allé acheter des albums. Et alors? Des cadeaux dès que je descends. Bon, j'en ai pris 1000, mais il n'y en avait plus. On a trouvé, non? Rupture de stock. Donc Ange Gardien, c'est un morceau, on reviendra dessus d'ailleurs sur l'histoire de ce morceau dans quelques minutes. On vous attend au freestyle de Planète Rap, bougez pas, le retour du Planète Rap Islam, c'est juste après ça. C'est Skyrock avec Young Money, avec Drake à l'instant sur ce morceau, c'est ce qu'on écoutait. Trop lourd. J'aime bien. Hein. Je découvre, ouais, il est super cool. Il est trop lourd ce titre. T'aurais dû demander à Danny Sainte. Ouais. Non, j'ai dû te l'envoyer en fait. Ouais. En ce moment, j'ai pas le temps de me mettre à la page. Il aurait dû te l'envoyer. Il connaît déjà par cœur. Je l'ai jamais entendu chanter, sauf quand c'est pour se foutre de ma gueule, tu vois, pour rigoler. Ah bah, ça donne quoi? Ça m'intéresse. Ça donne des opéras, tu vois, entendre. Des opéras très mal faits. Tu sais, chacun son boulot, tu vois. Je crois que je suis pas fait pour être chanteur. Non, ça restera contre vous deux en fait. Exactement. Ça t'as pas envie de le dévoiler. Ah non, ça sortira. Tiens, comment aller d'ailleurs en studio? Alors, Scred, Annie, allez-y, c'est le moment ou jamais. Dissipé. Ouais, ça dépend des jours. Quoi. Non, ça va, elle bosse. Mais bon, ça dépend si elle a écrit avant de venir ou pas en fait. Voilà, c'est tout. Oh, le regard que tu jettes. Attention, non, il a raison. C'est vrai que quand j'ai bossé avant d'aller en studio, je suis beaucoup plus efficace que quand j'écris sur le coup. Après, je trouve c'est plus lent. Je suis lente. Mais quand ils disent dissiper, c'est parce que t'as du mal à te concentrer? Ah, je suis une pipelette. Et surtout quand elle rentre dans un fou rire, alors là, laisse tomber. Impossible de travailler. Fou rire, c'est mort. C'est une demi-heure de pause obligatoire. Sinon, elle est sur. Mais attends, ils devraient être contents, ces mecs-là. T'imagines, tu les fais rire et ils sont pas contents. Ah, mais de toute façon, avec ce que tu l'as discrète, c'était l'animateur. T'avais moi, mes frères, mes copines. C'était la colonie de vacances, des fois. Franchement, je garde un super bon souvenir de l'enregistrement de l'album. Fallait remettre de l'ordre. Non, c'était marrant, c'était cool. Il s'est allé sur combien de temps l'enregistrement d'ailleurs de l'album? Bah, un peu depuis le début, mais il y a beaucoup, on avait fait beaucoup de titres à l'époque qu'on n'a pas gardé. Et du coup, je pense que c'est cool qu'on ait mis du temps en fait. Parce que là, l'album, il est vraiment, vraiment abouti. Mmh. Et puis, tu vois, c'est un album qui peut assumer avec l'âge, alors que c'était plus un album un peu plus enfant à l'époque, on va dire, tu vois. Et du coup, on la catégorise pas comme une enfant qui rappait, qui chantait à l'époque, maintenant elle a 20 ans, et l'album sort maintenant. Et on se dit pas, c'est une petite qui chante, on se dit, c'est une artiste, c'est une chanteuse. Ouais, et puis en même temps, tout le boulot est à faire, parce qu'il y a aussi plein de gens qui vont te découvrir. Ouais. Qui n'ont pas eu la chance de tomber sur cette vidéo où tu chantais justement avec Nesby, mais c'est vrai que voilà, t'es une toute jeune artiste, donc il va falloir aussi aller à la rencontre d'un public. Passer en tête aussi, mais c'est ce que je souhaiterais avoir, tu vois. Un public partout, qui me suit partout, et moi faire des tournées, et voilà, avoir un super grand essor pour faire ce que j'aime tout le temps. Bon, il est déjà présent, il y a une partie dans le studio, il y a aussi beaucoup de messages qui arrivent avec le hashtag Islam sur Skyrock. Vous pouvez continuer à bombarder beaucoup de gens qui te suivent. Je compte sur ma team Islam, continue, on veut être en TT ce soir. Allez-y. Bon, il y a du boulot en ce moment, il y a pas mal de TT, c'est aujourd'hui, c'était un peu compliqué les TT. Bon, sur Skyrock, le Planète Rap entre 20h et 21h avec Islam, un morceau qui s'appelle Ange Gardien dans quelques minutes à découvrir. Et là, c'est Robs de Bordeaux. Allô Robs. Salut Fred. Ça va en pleine forme? Ça va en pleine forme, on est là. Salut, eh ben, Jen, j'entends. Salut. Salut. Ça va, tranquille Fred. Ouais, merci Rob. Pour ma petite diffusion sur la nocturne, frère, le Saint Avenger. T'as assuré, exact, frère. Exact. Mais attends, t'étais pas tout seul, il y a du monde aussi dessus, hein? Ouais, on a mis du monde, tu vois, mais la suite arrive bientôt, tu vois, si Islam, tout ça, elle est dans le secteur, Nesbill, ils sont dans le secteur, tout ça. Merci. On va voir comment ça se passe, hein. Robs, vous allez pouvoir le découvrir maintenant en live, et c'est vrai qu'il est sorti un... On peut le trouver ton morceau, ouais, là, justement? Tu peux aller sur YouTube, ils sont sur tous les sites de rap français, c'est Avengers, il faut sauver le rap français avec Paul Quinvy, Nak Mendoza, Demon One, Django Jack, SP, voilà, Robs, Basso aussi, la famille, et voilà, c'est vachement c'est du bien, lourd, quoi. Vachement bien, et bah bon courage pour la suite en tout cas, Robs. Timer, Fred, Timer. Et là, on t'écoute rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone, vas-y. Si. Yeah. 1 R-O-P-S en direct de Bordeaux dans la cabine. Hey, écoute ça fait hier. Yeah. 1 R-O-P-S, a.k.a. l'homme élastique, des fourraillés, la prod, je fais du rap, pas de la plastique, je reviens briser le game avec les frères, montrer les crocs, le vrai hip-hop, pas la marque, te laisser faire, d'où vient ta pointe. À qui c'est ta tante, c'est pas un clash. J'ai une mise à la menthe, un bic, une feuille, corrosive comme l'amiante, doré d'acier quand je passe derrière le mic. Tu te lamentes, c'est pas fini. Le rap actuel, moi je le détruis. C'est devenu de la variette, récemment ennuyable. Une équipe pas nette pour pousser au suicide. Venu d'une autre planète, mais qu'on est invincible. Je te chiffre à travers le mic, plutôt que baisser mon buzz lit. Double kick à l'ancienne comme Bruce Lee. Avec ou sans pouvoir, pour nous pas de soucis. Avenger frère, ça sent le roussi. À ce qui paraît, je rappe trop lentement. L'approche, j'approche, la baisse et je te la rends. Au mic, je me donne à fond comme dans le champ. Numéro 12 dans le dos, t'es sur le banc. Le pari est plein, mes cordes vocales sont chargées. Des potes, j'en veux aucun. Je suis là pour mitrailler. Je gratte pas le soutien. Seulement des punchs sur mes cahiers. Mon big, ma feuille, mon sticky, je peux m'en jailler. Pour la Palestine, anti-sioniste, je suis engagé. R.O.P.S. Ok, Robs de Bordeaux à l'instant en freestyle. Ouais, ouais. Je peux faire les petites cases dédiées. Vas-y, on t'écoute. Ouais, je vais faire une petite case dédiée à Gros et Moussine qui sont dans la 106 en mode 3 ouvrant pour toutes les bitches de Bordeaux. Si vous les trouvez, ça va faire mal. Aussi une petite case dédiée aux frères Faucon, à Miznik, à Merzouk. Et voilà, aux frères Batso. Et allez, check le son Avenger. Sur tout ça, on est là, on relance le son Avenger. Il faut sauver le rap français, on est hal, frère. Et à l'acheter l'album aussi. Merci à toi, Robs. C'est Charles, t'inquiète, frère. Impeccable. Allez, bon courage les frères, ciao. Ciao, Robs, à l'instant, en freestyle par téléphone, en freestyle de cabine à l'instant par téléphone. Parlez-nous un peu d'ailleurs tous les deux du morceau. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est un morceau qui s'appelle Ange Gardien. C'est un morceau tu qui l'as pas écrit. J'ai écrit toute seule. En fait, on a écrit tous les deux. Ouais. Et c'est un morceau qui s'appelle Ange Gardien, il est très très doux. D'ailleurs, c'est Felipe qui l'a composé. Gros coucou à lui. Et puis voilà, tout simplement, je vais laisser Déa parler de ça. Donc, juste pour rappeler un petit peu ce que tu disais hier, c'était un moment où tu traversais une période, voilà, la feuille blanche. Voilà, la feuille blanche. C'est-à-dire la que, bon, cette fameuse feuille blanche où rien ne vient. Exactement. Ou alors ça vient, mais. Ouais, ça vient, mais c'est nul. C'est nul. Tu me dis merde. Ouais. Comment j'ai pu écrire ça, quoi. Grave. Si je peux ajouter quelque chose, c'est Felipe Escred. Non, mais je suis pas là ce soir. Felipe, je me permets de l'ajouter. Deuxième fois, Islam. Non, mais c'est bien Dani, tu vois. Non, mais Dani, c'est mon deuxième cerveau voilà, musical, il n'y a pas de souci. Je rattrape comme si c'était moi qui le disais. Mais interviens aussi, Scred, toi. Non, mais c'est cool, moi. Tu peux dire, oh, c'est bon. Et moi j'ai bossé, je sais que j'ai bossé, ça va. Non, mais c'est cool. Donc c'est Felipe, il a fait c'est lui qui fait les guitares et tout, tu vois, forcément. Felipe et Scred, donc, qui ont fait la prod. C'est vrai que c'est à ce moment, donc, tu sais plus, un peu perdu. Bah, voilà, comme par période, on passe tous par là en se disant qu'est-ce que je fais, où je vais, qu'est-ce que je vais devenir. Exactement. Où ça va nous mener, cette histoire. Ouais, du coup, bah. Et là, il y a une rencontre. Ouais. Ablaï, il m'a présenté à Déa. Et disons que, comme il va dire, la magie, elle s'est opérée, hein. Voilà. La magie, elle s'est opérée. J'ai présenté des pontes. Les pontes, c'est les textes. J'ai appris ça hier soir. Hein. Voilà. J'ai appris, c'est les pontes. On a présenté des textes. Des pontes, tu peux. Voilà, maintenant on sait. Donc, elle en a choisi quelques-unes. Et après, deux semaines après, en studio, elle a revisité les textes. Et c'était déjà enregistré. Moi, quand je suis arrivé, j'ai que dégusté les MAP. Mais j'ai dégusté de la magie dès le premier jour. Et est-ce que c'est compliqué justement quand on a... Parce que toi, tu le disais hier, t'es aussi artiste et tout. Donc, est-ce que c'est compliqué de se mettre en retrait, d'écrire pour les autres? Non, je pense pas. Moi, ça fait un bail que je taffe, que j'essaye d'écrire un peu. Bon, j'ai travaillé longtemps avec Léa Castel, jusqu'en 2005. Après, je travaille avec de nombreux artistes dans le sud, que ce soit plus féminine, mais allez, j'écris aussi pour les gars. Et après, voilà, on va dire que la magie la plus forte, c'est le talent pur. Hein. Franchement, elle a fait de et la donc, magie. Ouais, après, quand t'écoutes le morceau, une fois qu'il est écrit, une fois qu'il est enregistré, Voilà. Moi, elle valide d'abord le texte, elle le prend, elle le revisite s'il faut. Moi, je le réécoute après l'enregistrement. Et moi, j'avais rien à dire, je suis resté bouche bée. En fait, je lui ai présenté une gimmick, qu'elle a tout rechangé, quoi. Moi, j'ai redécouvert un autre morceau. C'est pour ça que je dis c'est de la magie. C'est pas. Je suis venu, je dis c'est de la magie. C'est en fait à m'offrir de la magie. C'est un talent pur, cette petite. Et bon, on va l'écouter maintenant, ce morceau, si vous voulez bien. Ange Gardien, avant que tu voulais ajouter quelque chose dessus. Il a tout dit. Scred, non? Parce que tout est dessus aussi. Scred, il envoie des regards. Ça y est, il est passé un regard. Bah, tiens, en ce moment, c'est un de mes préférés. Que j'écoute dans la voiture, je mets un replay en ce moment. Mais parce que c'est Scred qui l'a fait avec Felipe, non? Voilà. C'est ça. Non, mais en fait, ouais, c'est ça. Je préfère écouter ce qui n'est pas de moi, en fait, en général. Merci pour la pensée du soir. T'as vu ça? C'est mon petit moment de solitude. Petit moment de solitude, mais très mignon. Allez, on écoute ce morceau qui s'appelle Ange Gardien tout de suite. Il était impensable que j'y arrive. Ma chance est que derrière moi se cache un frère. Et puis j'ai trop souvent guetté la rive, sans prendre le pas sur moi-même pour pouvoir remettre un pied à terre. Hésitante, autant que naïve, la vie sans lui m'aurait déjà mise à terre. Et puis malgré tous nos conflits de famille, il a tout fait pour que la musique soit ma bouée dans cette vie. Si je fonce, c'est que je t'aime. Électrique, voire imposante. Maman explose de rire quand nerveusement tu penses. Papa crie et pleure, tout ça en silence. Tu t'es plié en mille pour nous offrir une chance. J'oublie pas nos délires, nos vieilles embrouilles, tous mes fous rires quand je te cassais. Je vis caché derrière tes soupirs, tous ces chocs que tu amortis. Si je fonce, c'est que je t'aime. Comme gardien près de moi, si je tombe, je sais que tu seras toujours là pour moi. Si tu fonces, tu le sais, je serai toujours derrière toi. Si tu tombes, tu le sais, je serai toujours là pour toi. Si ta mère, j'aurai mal avec toi. Oh toi, si je fonds. Morceau donc qui s'appelle Ange Gardien, qu'on écoutait, morceau voilà, intimiste, pourtant même s'il a été écrit... Il a été écrit avec Déa, mais très intime, parce que j'ai choisi, je l'ai retenu parce que justement ce morceau il m'a touchée et je me suis sentie concernée par ce qu'il racontait. Et j'ai complété, j'ai ajouté ma plume et voilà, ça donne un cadre. Parce que ses anges gardiens, c'est ses frères. Voilà, mes frères, mes parents, mon père. Je parle beaucoup de ma maman et des filles dans mon album, mais... Je parle pas de mes frères et de mon père, donc voilà, ce sont mes anges gardiens et ma compagne. Ils te suivent. Exactement. Tu m'as exclu. Oui, bien sûr. L'exclu, c'est que ce morceau il a été écrit en 2007. Ok, ouais. Et qu'il a été proposé à trois artistes avant. C'est vrai. Mais bon, après, je vais pas rentrer dans les détails des noms. Ouais, tu vas pas nous dire, oui, ça je me doute. Mais ils l'ont pas voulu. Bah, moi, je suis contente qu'ils aient pas voulu. Ils aient pas voulu. J'ai récolté un super morceau. Mais il a beaucoup bougé, justement, depuis 2007, ce morceau. Non, en fait, il a été créé en 2007, à une période où j'étais pas très là. Donc, je l'ai écrit avec les moyens du bord. Et je l'ai présenté tel quel. Il y avait la date dessus, quoi. Elle a eu les textes. En fait, moi, j'avais un souci aussi de pas lui présenter quelque chose qui est décalé avec ce qu'elle prépare ou parce qu'elle était, on va dire qu'elle est assez précoce, elle chante des choses d'adulte. Et moi quand je lui ai proposé la pente, c'était en fin 2010 début 2011, Donc, toi, oui, c'est pas un truc qui. En même temps, après, si le texte est bon, il peut être de 2007. Franchement, l'écrit, c'est intemporel. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, dans tout ce que je lui ai proposé, c'est ça qu'elle a choisi direct. Quoi. Elle a lu, elle m'a dit celui-là, je le veux. Donc. Ça a dû se faire plaisir pour en plus toi qui a écrit. En plus, c'était la première rencontre, ça, Dani. C'était la première fois. Elle m'a choisi un texte le premier jour. Et lui, il m'a fait une exclu au piano de 3 minutes. Et puis, celui-ci a collé. Voilà. Ange gardien. Rappelle-nous un peu qui a fait le son. Philippe. C'est Philippe et Scred. Ah voilà, très bien. Philippe à la guitare. On s'est posé avec Philippe, on a fait Petit Bateau et Ange Gardien. Tout voilà. Mais j'avais oublié qu'il y avait Scred dessus. Donc. Non, il y a Scred. Mais en vrai, tu sais, Scred, on peut le mettre partout, dans tous les morceaux. Parce que même s'il n'a pas fait de l'instru, il a participé, il a fait l'ingé, il a fait l'animateur, il a fait les arrangements, il a fait. Franchement, il a tout fait, tu vois. C'était le tonton, ça m'arrive de l'appeler tonton des fois, du coup, ouais, c'était tonton Scred. Tonton Scred, voilà, il est là aussi avec nous. Des fois c'est docteur, des fois c'est tonton. Là c'est tonton Fred. Islem, c'est tonton. Chirurgien. Voilà. Islem, est-ce que tu es prête maintenant à chanter? Je suis prête. On y va? Ouais. Session live dans l'émission? Session live. On commence avec quoi alors? On va commencer par Avec le temps parce que c'est un petit clin d'œil car c'est le morceau qui a permis, disons, à un beaucoup plus de public de me connaître. Voilà, allez, c'est parti maintenant. Le morceau qu'on retrouve aussi sur l'album d'Islem, Où ça nous mène. Dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœurs. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt. Je dois me décider à pardonner pour ne plus me tourner vers le passé. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœurs. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt. Je dois me décider à pardonner pour ne plus me tourner vers le passé. Hier encore j'étais assise sur les genoux de ma mère. Elle me parlait, je comprenais rien, je lui souriais quand même. Aujourd'hui tout a changé, j'ai grandi et puis maintenant je ne fais que découvrir la vie. Au début c'était bien, j'écrivais sur les murs, j'écrivais des bouts de phrases en gros, j'écrivais mes blessures. Au début c'était rien que des petits poèmes, poèmes qui criaient tous maman je t'aime. Effacer tant de rancœur, certains meurent avant l'heure. Pendant que mon cœur se meurt, je dois me décider à pardonner pour ne plus me tourner vers le passé. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœur. Certains meurent avant l'heure. Pendant que mon cœur se meurt, je dois me décider à pardonner pour ne plus me tourner vers le passé. Le passé. Maintenant j'ai l'impression de me diriger vers le passé, de m'attarder sur des choses sans intérêt. Je m'oublie, je perds le fil de la vie, de ma vie. Aujourd'hui je me suis retournée, je me dirige vers la vie, enfin je me dirige vers mes rêves. Et j'insiste, j'ai envie de réussir, de m'envoler. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœurs. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt. Je dois me décider à pardonner, pour ne plus me tourner vers le passé. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœurs. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt. Je dois me décider à pardonner, pour ne plus me tourner vers le passé. Le passé. À l'instant, en live, ce morceau qu'on retrouve aussi sur l'album. Cette fois, c'est Dani. Et il y a très beaux arrangements. Il est partout. Avec Yann à la guitare. Ouais, il y a Yann à la guitare. Mais en fait, c'était un piano-voix à la base. Mmh. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, c'est un truc de ouf. Et j'ai appelé le guitariste qui était avec nous en tournée avec Aurel. Et il a posé une guitare dessus. Et après, j'ai refait des arrangements avec Dani. Ouais. Et bah terrible ce morceau, en tout cas on le retrouve aussi sur l'album, tout comme celui qui va nous faire et qui a été le morceau le plus demandé sur les pages, les réseaux sociaux de Skyrock aujourd'hui, le morceau qui s'appelle Oublie-moi. Exactement. Prête? Oublie-moi, prête. Allez. C'est parti. En live ne maintenant. N'oubliez pas, je chante Oublie-moi, mais faut pas. Ça va pas ou quoi? N'oubliez pas. Allez, c'est parti. L'album. m'a interrogé, de m'inquiéter tout à l'heure où t'étais, avec qui, qu'est-ce que tu faisais. Tu sais bien que t'es pas honnête, t'es pas fidèle, toujours à draguer, à ignorer les faits. Je ne peux plus rester sans rien faire, sans réagir. Là c'est décidé, je m'en vais, je ne compte plus revenir. Tu pourras peut-être me récupérer, mais dans une autre vie. Peut-être, peut-être, mais dans une autre vie. Es-tu prêt à changer pour moi? Je m'efforce de le penser. Sinon, préfères-tu que je m'en aille? Oh, oh, oh, que je m'en aille. Stop, j'ai besoin de faire un break. Je ne prime pas avec toi, moi j'ai besoin d'un homme honnête. Je te dis stop, tu sais pourtant je t'aime. Pourquoi te sens-tu obligée de répandre tant de peine? Tu hantes ma vie et mon esprit. Je t'en prie, sors ma tête et oublie-moi. Tu t'empares de moi comme d'un outil. Je suis sans défense face à toi qui ne baisse pas les armes. Rends-moi ce que tu m'as dérobé, mon cœur et mes pensées. Rends-moi un peu de ma liberté, va-t'en. Laisse-moi rêver en paix. Oublie-moi. C'est passé entre nous, ma patience a des limites. Tu les as dépassées, t'es devenue trop relou. Ça y est, tu m'as poussé à bout, c'est fini toutes ces prises de tête. J'ai décidé de partir. Viens pas dire que tu le regrettes. Je pourrais peut-être respirer, vivre ma vie sans que tu le fasses souffrir. Peut-être, peut-être sans que tu me fasses souffrir. Es-tu prêt à changer pour moi? Je m'efforce de le penser. Sinon, préfères-tu que je m'en aille? Oh, oh, que je m'en aille, ça. Oh, oh, j'ai besoin de faire un break. Je ne rime pas avec toi, moi j'ai besoin d'un homme honnête. Je te dis ça, oh, tu sais pourtant je t'aime. Pourquoi te sens-tu obligée de répandre ta peine? Tu hantes ma vie et mon esprit. Je t'en prie, sors ma tête et oublie-moi. Tu t'empares de moi comme d'un outil. Je suis sans défense face à toi qui ne baisse pas les armes. Rends-moi ce que tu m'as dérobé, mon cœur et mes pensées. Rends-moi un peu de ma liberté, va-t'en. Si seulement j'étais tombée dans tes bras, au bon moment, au bon endroit. Je le sais que tu ne changeras pas. Si seulement j'étais un peu moins naïve et que toi t'étais moins inaccessible. Je le sais, ça aurait bien fini. Laisse-moi rêver en paix. Laisse-moi rêver en paix. Laisse-moi rêver en paix. Oublie-moi. Oublie-moi à l'instant, en live. Dans Planète Rap, entre 20h et 21h, c'est aussi un morceau que vous avez beaucoup demandé et qu'on retrouve sur l'album Où ça nous mène, d'Islem, qui est notre invité tous les soirs de la semaine. Bah voilà. C'était bien, non? Ouais, ça va, c'était cool. Ça va, c'était bien ou pas? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est bien, très, très bien. C'est pas mal, non? Comme Planète Rap, c'est un voyage. Ah, on était loin, hein. On était loin, c'était bon. Parfait. J'allais m'endormir. Mais dans le bon sens du terme. Je me faisais chier. Hein. Oh là. Non, moi, je crois que je vais parler que par texto. Ouais, non, t'envoies deux, trois pontes et voilà, c'est terminé, quoi. Bon, bah merci en tout cas. Juste avant de se dire au revoir, on va faire tourner la roulette maintenant. C'est parti. Viens gagner ton iPad mini, plus ta compil Planet Rap 2014. La roulette qui va tourner à l'eau avec Chloé. Chloé, ça va bien, Chloé? Oui, ça va. Bah écoute, bienvenue dans le studio de Planet Rap. Je te présente Islem qui est notre invité. Salut Chloé. Salut. Ça va ou quoi? Oui, toi? Ouais, merci, ça va. Tu habites où, Chloé? À Créon, vers Bordeaux. À Créon, vers Bordeaux. Bah dès que tu veux, on est beaucoup de Bordelais, ça. Pas mal. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. La roulette tourne, Chloé. Stop. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, l'album Planet Rap 2014, la clé USB logotisée Planet Rap, bref la totale, c'est pour toi, on t'envoie ça. Ah, cool. On te fait des bisous, Chloé, petite dédicace, petit message à passer. Ouais, j'embrasse ma famille, ma maman et mes sœurs qui m'écoutent. Et ben terrible, bisous à toute la famille et merci à toi, Chloé. Merci. Ciao. Islem, c'est fini? Non, c'est... comment ça c'est fini? C'est fini ce soir. T'as pas oublié quelque chose? Non, c'est pas fini. C'est fini. T'as pas oublié quelque chose? Réfléchis. Fred, réfléchis. Ah si, c'est fini pour ce soir. Il manque une info là. Une dernière info. La question. Ah, exactement. T'as pas donné... Ah, j'ai pas donné la réponse. Oui. Ah oui, j'ai pas recommencé comme hier. Alors la question était la suivante. Quels sont les trois featurings de l'album? La réponse, bah tu vas la donner. La réponse, bah c'est Hawaii Mani sur Grande Sœur, Aurel San sur Accélère et Nesbill sur Besoin d'elle. Trop fort. Voilà. Trop trop fort. Et c'est donc un gagnant. J'ai pas la finish par contre. Donc on peut toujours attendre. On l'a ou pas, Fab? Mais Fab, on l'a un peu perdu là ces derniers temps. Ouais, on l'a perdu, je suis désolé. Mais promis, on filera, tu sais quoi, en fin de semaine, on filera les prénoms de tous les gagnants. D'accord, ok. Merci à vous en tout cas, merci à toute l'équipe qui était là. Merci à toi. Une dédicace. Vas-y, petite dédicace pour finir. Une petite dédicace à la structure Buzz Lab sur Paris, à Station Hip Hop qui a accueilli Islem quand elle est descendue sur Marseille. L'interview sera sur la page Facebook Station Hip Hop. Le sur Facebook, sur Facebook. Facebook. Vous trompez pas, il y avait Facebook, maintenant il y a Facebook. Facebook, il y a tout ce qui parle d'Islem et de où ça nous mène en ce moment. Ça sera le 30 avril 2014. 30 avril. Et mon accent, tu me le payeras, Fred. Mais non, moi j'adore cet accent marseillais. Attends. Moi j'ai pas de problème, mec. J'aime beaucoup les Marseillais, j'ai un problème avec l'OM, mais rien de bien grave. Un peu de chambrage, un peu de chambrette, un petit peu. Ah, pas d'embrouille. Il y a tout le score qui parle. Bon, je me tais. Mais tu vas revenir demain. Voilà, et la saison prochaine avec l'OM. On t'attend demain, tout comme Scred. Merci aussi à Dany Sainte qui était là. Merci. Et au fait, j'ai oublié un truc. Big si jamais je peux me permettre, le clip de mon artiste qui est sorti à 18h, Jonah officiel. Donc tapez Jonah, J-O-N-A-H sur le net. Le clip Réveille-toi est en ligne. Les batteries vont ira cliquer. Islem demain. À demain. Salut tout le monde, à demain. Gros big up à ma team Islem. Puis voilà. Un petit peu avant 20h, le retour dans Planet Rap. Et là, il est grand temps de retrouver Difool juste après la pub.